Vous pouvez construire des centaines de contraires en ajoutant, comme en français, in, in, ou des, des, au début des mots. Si agréable se dit agradable, comment direz-vous désagréable? C'est bien sûr désagradable. Feliz, comme l'on l'a déjà vu, signifie heureux. En ajoutant in devant, dites-moi malheureux. On a bien infeliz. Et si capable se dit capaz, C-A-P-A-Z, comment direz-vous incapable? Bien, incapaz. Si canapé se dit el sofá, S-O-F-A accent aigu, et confortable, cómodo, C-O accent aigu, M-O-D-O, comment direz-vous? Mon canapé est très inconfortable. Mi sofá es muy incómodo. Mi sofá es muy incómodo.